Le chercheur Kim Bok-song à l'Institut du désarmement du Centre coréen d'études des affaires internationales a publié le 11 un commentaire sous thème « La diplomatie de canonnière n'est plus de mise ». En voici le résumé. Au lieu de tirer une leçon de la politique d'austérité échouée de ses prédécesseurs à l'endroit de la Corée, l'administration Trump recourt à la pression et au chantage militaire sans précédent contre notre République, tout en conduisant au bord d'une guerre la situation de la péninsule coréenne. La manière de Trump, qui fait le fendant avec les porte-avions et les sous-marins nucléaires, nous évoque la diplomatie de canonnière utilisée au siècle passé par les puissances impérialistes en vue de menacer des armes les nations petites ou faibles pour ainsi leur imposer leur volonté banditiste. Certes, la diplomatie de canonnière a permis aux États-Unis de réussir à la provocation des guerres d'agression ou à la soumission de leurs adversaires, mais à l'exception de la Corée. En octobre 1962, lors de la crise de la mer des Caraïbes, les États-Unis ont lancé 183 bâtiments de guerre contre Cuba. En 1964, lors de l'incident du golfe du Tonkin, ils ont mobilisé des navires de guerre pour attaquer le Vietnam du Nord. Il en est de même pour la guerre du Golfe et la guerre d'Irak. En fait, si la diplomatie de canonnière des États-Unis a manqué le but depuis la fin de la guerre de Corée, on peut affirmer que c'est seulement le cas de la Corée. La diplomatie de canonnière des États-Unis n'a pas prise sur notre République parce que l'armée et le peuple coréen, conduits par leur leader éminent, ont la capacité militaire autodéfensive et invincible. De plus, les États-Unis n'ont pu jamais intimider par leur canonnière notre République, qui était privée même du nucléaire. À plus forte raison, il est très évident qu'ils ne peuvent jamais influencer notre République armée de la bombe H et d'autres armes nécessaires. Nous avertissons encore une fois l'administration Trump qui fait le fanfaron au bout de tirs de missiles et de bombardements sur des pays faiblis et tout épuisés par des conflits internes. Il faut bien savoir que le tir sur nous sera un malheur causant une ruine irrémédiable et les États-Unis doivent s'abstenir de leur témérité de guerre, ne serait-ce que dès maintenant, et de la logique de la force. Tous les militaires et civils coréens sont étroitement unis dans une seule pensée autour du commandant prestigieux sans égal et ils ont la dissuasion nucléaire autodéfensive capable de frapper et écraser impitoyablement tous les provocateurs où qu'ils soient sur notre planète. Et nous ne craignons rien. Et la Corée Sung-gun triomphera pour toujours.